Bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurones. Vous êtes à l'écoute de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières et c'est Jimmy Farley qui va vous accompagner pour les deux prochaines heures. Deux heures de rock progressif avec quelques nouveautés, dont Apeiris, un groupe français. On aura aussi un bloc, le deuxième bloc, c'est un bloc d'Amérique du Sud avec Atomic Time du Brésil, Equilibrio Vital du Venezuela et Ginetes Negros d'Argentine. On aura ensuite Childwood, nouveauté 2020, avec ça nous vient des Pays-Bas. Un petit retour en arrière en 2018 avec Faint Signal des États-Unis. On a Lee Abraham qui a sorti un album encore une fois en 2019. Et le dernier bloc de l'émission, bien, c'est consacré à un groupe québécois, Manège. On aura aussi des extraits de l'album de Jérôme Langlois, Molignac. Alors on débute avec le premier bloc de l'émission qui est consacré comme à l'habitude à l'album de la semaine. Et aujourd'hui, on a un groupe français du nom de Apeiris, on va l'appeler, c'est A-P-A-I-R-Y-S, un groupe de trois musiciens qui nous ont concocté un album en 2019, leur premier. Il s'intitule « Vers la lumière ». C'est un album qui comprend cinq chansons qui durent entre 5 et 16 minutes. Pour l'occasion aujourd'hui, bien, j'ai deux extraits. Le premier, c'est le titre, c'est-à-dire la pièce-titre de l'album, « Vers la lumière ». Et on aura, pour terminer le bloc, la pièce-recueil. C'est la pièce épique de 16 minutes qui est sur cet album-là. Alors, il va tout de suite avec le groupe français Apeiris. Thank you.

ennuis et les vastes chagrins qui chargent de leur poids l'existence brumeuse. Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse s'élancer vers les champs lumineux et sereins. Comme des alouettes vers les cieux le matin prennent un libre essor qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation française Paris et deux extraits tirés de l'album Vers la lumière. C'est leur premier album qui est paru en 2019. Tout récemment, là, c'était la pièce Recueil et ça avait été précédé par la pièce titre de l'album. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on continue avec, cette fois-ci, un bloc qui est consacré à l'Amérique du Sud. On a trois groupes. Le premier, ça vient du Brésil. On a un autre groupe qui vient du Venezuela et un autre de l'Argentine. Le premier, bien, c'est Atomic Time du Brésil. C'est un nouveau groupe sur la scène du rock progressif sud-américain. Ils ont un album paru en 2019. Il s'intitule Out of the Logo. Et la pièce que je vous propose, c'est Red Rain. Et des deux autres groupes, bien, ça vient d'une compilation. La compilation, je vais un petit peu élaborer, là, c'est Dante's The Divine Comedy. Ça, c'est une compilation de trois coffrets de quatre CD. Qui a été publié autour de 2010, là, 2009-2010. C'est une collaboration entre la revue britannique Colossus et la compagnie de disques Musea. Alors, c'est pas la première fois, c'est pas la seule fois qu'ils ont fait un coffret. Là, on parle ici d'un coffret de une compilation de trois coffrets de quatre disques, donc 12 CD, avec une cinquantaine d'artistes. Là, on a des groupes assez connus là-dedans. On a beaucoup de groupes italiens. J'en nomme quelques-uns là, au hasard. Là. Il y a Nemo de France, en fait, c'est assez connu. Il y a Sofia Bassini d'Italie. On a Nuova Era d'Italie aussi. On a Il Castello di Atlante. On a Simon Says aussi de la Suède. Et beaucoup d'autres groupes, dont Nexus aussi. Et les deux groupes que j'ai extraits pour aujourd'hui, bien, c'est Equilibrio Vital. C'est un groupe qui a été actif surtout dans les années 80. Avec trois albums studio. Et ensuite, Ginetes Negros, ça c'est actif depuis 2000 à 2017 avec 5 albums studio. Alors je reviens à la compilation de Dante, c'est l'extrait que je vous propose, bien, c'est Canto 32 and 33. J'allais oublier que ce sont tous des pièces originales, donc ce ne sont pas des pièces qu'on retrouve sur les musiques ou les discographies originales des groupes. Ça a été créé pour l'occasion. Ceux qui ont connu aussi Decameron, ben c'est le même principe. Il y a eu aussi Kalevala de Finnish Progressive. Alors, Colossus et Musea ont été très, très prolifiques là-dessus. Et moi, j'ai écouté, ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté la Divine Comédie de Dante, mais je vous assure là, que là-dessus, c'est un très fort pourcentage de musique originale de qualité. Alors, je vous laisse juger de ça. Mais auparavant, on aura Atomic Time du Brésil. Thank you. Thank you. Se eleva tanto. Estas palabras no comprendas, serán pronto los hechos, sonido de su voz. Así llega su nombre, de vida ante la muerte, cualquiera que la tome se alejará de Dios. La palabra deseada vuela, que más la pierde cuanto más se obstina. Cambia un sol de paso lento que nos alumbra sin mirar. Es un lugar sombrío, o dame de ese agua que nos salva. Oh, C'était Ginetes Negros d'Argentine et la pièce Canto 33 tirée de la partie 2 de Dante's The Divine Comedy. Et ça a été précédé du groupe vénézuélien Equilibrio Vital et la pièce Canto 32 tirée du même album. Et en début de bloc, on avait du Brésil, la formation Atomic Time et la pièce Red Rain tirée de Out of the Loop. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour ce troisième bloc, on va aller dans quelque chose d'un peu différent. C'est Childwood, c'est un nouveau groupe des Pays-Bas. Et il nous propose un nouvel album qui s'intitule Opalescence. C'est un petit peu dans le genre jazz fusion. Et je propose la pièce Mirage. Et ça sera suivi d'un groupe américain, Faint Signal. Ça, c'est un groupe qui a deux albums studio, dont le plus récent, Formula, qui est paru en 2018. Alors, moi, j'ai extrait Led by the Moon. Et enfin, nous aurons Lee Abraham, c'est-à-dire, qui est le guitariste de Galahad, qui nous sort en 2019 son neuvième album studio. Là, je vais juste vérifier. Je pense que c'est 8. C'est bien ça, c'est 8 albums studio. Et le dernier, bien, il s'intitule... Une petite seconde, Comatose. Et la pièce, c'est Numb Part 1. Alors, on débute ça avec Childwood des Pays-Bas. So we're telling this with a sight somewhere, ages and ages hence, to rosy bed in a boot, and I took the one less traveler by, and that has made all the difference. Thank you.

is drowned now. My mind is telling me it's real. I'm not destroyed. Taken from all I know. Memory is fading. Taken from all. I try to define. Taken from all I know. Memory is fading. Taken from all I know. Just know they're waiting. Alors, c'était Lee Abraham, le guitariste de Galahad, qui nous interprétait la pièce Numb Part 1 tirée de son album solo Comatose, qui est paru en 2019, il y a déjà quelques mois. Ça a été précédé du groupe américain Faint Signal, et ils nous ont interprété Led by the Moon tiré de Formula. Ça, c'est paru en 2018. C'est le deuxième album du groupe. Et en début de bloc, ben, on avait une interprétation jazz fusion du groupe Childwood des Pays-Bas. Et la pièce Mirage tirée de Opalescence, ça, c'est leur seul album. C'est paru il y a déjà quelques semaines, mais c'était en janvier 2020. Alors, je rappelle aux auditeurs que toutes les pièces, en fait, l'information concernant la feuille de route de l'émission, bien, c'est disponible sur la page Facebook de Rock de Neurones. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, pour ce dernier bloc de l'émission, on a un petit retour dans le passé et ça sera consacré à Jérôme Langlois et le groupe Manège. En fait, c'est mon ami Denis Marchand, c'est un fidèle auditeur et aussi un collaborateur des premiers instants de Rock de Neurones qui, soit dit en passant, fêtera ses 7 années la semaine prochaine. Alors, déjà 7 ans que Rock de Neuron est en onde. Et durant toutes ces années, bien, il y a eu beaucoup d'échanges entre Denis Marchand et moi, sur des échanges, bien entendu, sur le rock progressif. Et puis, il me faisait remarquer il y a quelques jours ou quelques semaines que Jérôme Langlois, bien, on n'en avait jamais parlé à l'émission. Alors, je me suis permis un petit retour dans le passé et j'ai concocté un bloc qui va aussi comprendre Manège, parce que Jérôme Langlois, en plus de faire partie du groupe Lasting Weep, a participé aux deux premiers albums de Manège, dont Les Porches. Alors, ce que je vous propose, bien, c'est Jérôme Langlois avec la pièce Huard, Huard comme l'oiseau. Et ça, c'est tiré de son album Molignac, qui est paru en 2005. Jérôme Langlois a quand même produit 3 albums studio à raison de 1 par décennie. Alors, un en 84, je crois, un instant. Un en 84, oui, qui s'appelait Thème. On a eu en 94 Western Lies et Molinac en 2005. Alors, je propose la pièce Huard. Ça sera suivi de Les aventures de Saxinette et Clarophone tirées de Les Porches. Ça, c'était en 1975. Et on va conclure avec la partie 2 de la pièce Huard. Thank you.

Alors, à la clarinette, on a entendu Jérôme Langlois et le deuxième volet de la pièce Huard. Ça, c'est tiré de Molignac qui est paru en 2005 et ça a été précédé de Manège. Je rappelle ici que Jérôme Langlois a participé aux deux premiers albums de Manège, dont Les Porches. Et la pièce qu'on a entendue, c'est Les Aventures de Saxinette et Clairophone, mais ça a été tiré de Les Porches Live. Ça, c'est sorti sur l'étiquette Prog Québec en 2006. Mais ce fut la captation d'un spectacle enregistré en 1974. Et auparavant, mais il y avait le volet 1 de la pièce Huard, toujours de Jérôme Langlois, tiré de Molignac. Alors ça me fait la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurones. Et avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et en plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud. Et pour l'écouter, bien, vous n'avez qu'à taper « Rock de neurones » dans la barre de recherche de SoundCloud. Et il y a un autre moyen aussi d'écouter l'émission, c'est en allant sur la page Facebook de « Rock de neurones » et vous avez un hyperlien qui vous amène sur SoundCloud. En plus, sur Facebook, la page Facebook, bien, on a la feuille de route de l'émission courante. Alors, vous allez avoir le nom des artistes, le nom des pièces, le titre des albums, la provenance géographique des groupes et l'année de parution de la pièce qui a été jouée. Et aussi, vous avez des liens sur les émissions précédentes, notamment l'émission qui a eu beaucoup de... En fait, il y a beaucoup de... Beaucoup de commentaires positifs. Là, c'est l'émission spéciale qui a été diffusée il y a deux semaines. C'est l'émission spéciale sur la Finlande. Et au même titre, il y a eu des émissions spéciales, une sur la Turquie et trois sur l'Italie. Alors, je vous invite la semaine prochaine à réécouter, en fait, vous resyntoniser C'est fou. Pour une nouvelle émission de Rock de Neurones, et c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une très belle semaine.